السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on est au 23e cours de l'explicatif des annulatifs de l'islam de Cheikh l'islam Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala par Cheikh Mohamed ibn Omar ibn Salim Bazmoul hafidahullah ta'ala. Et on était arrivé à la fin, et on va terminer aujourd'hui, inshallah, l'explication du 8e annulatif parmi les 10 annulatifs cités par Cheikh l'islam dans son épître. Et on va commencer, inshallah, et pas terminer, on va commencer le 9e aussi aujourd'hui, inshallah. Donc on consacre, on parle toujours du sujet de le mu'alat, hein. On avait parlé de ça en détail. Et Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il avait posé 5 questions. Il avait répondu à ces 5 questions. On ne va pas refaire tout le cours ou tous les cours précédents. Mais aujourd'hui, inshallah, on va répondre à une 6e question. D'accord ? J'y ai déjà fait référence dans le cours précédent par rapport au mot mudahara et par rapport au mot del mu'alat. D'accord ? Mais avant ça, il va citer Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidahullah, pour les frères qui ont le livre en arabe, c'est page 183. Des paroles des gens de science, des paroles des imams qui appuient et qui soutiennent ce qu'il a avancé. Qu'est-ce qu'il avait avancé? On avait arrivé à une conclusion que c'est, et là, je vous pose la question, est-ce que tout mu'alat est au même niveau? Ou est-ce qu'il y a différentes catégories? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Il y a différentes catégories, on est d'accord ou pas? D'accord? Et il y a un type ou une catégorie de mu'alat qui fait sortir de l'islam, c'est ça le cadre de l'annulatif ici, et puis il y en a d'autres qui sont en fonction de quel ahkam? Al-ahkam? Al-khamsa, comme il avait dit, il avait donné chaque type de mu'alat un hukm, et il avait donné un exemple, etc. D'accord? Donc maintenant, il a cité des exemples de mu'alat en apparence, d'accord? Et quel hadith il avait cité? Hadith Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anhu warda. Et puis il avait cité aussi un autre hadith. Naam. Hadith Dimakhmar. Dimakhmar. On avait dit, certains ulama disent Dimakhbar. Et c'était sur quoi le hadith? Il est dans Moussa l'imam Ahmed. Et c'était sur quoi? Je ne vous entends pas très bien parce qu'il y a une oreille que je n'entends pas du tout. Donc essayez de parler un peu plus fort. La guerre ensemble, les musulmans, ensemble. Non, non. Qu'est-ce qui va se passer avec les Romains? D'accord? Maintenant, pour conforter ce qu'il a dit par rapport au hadith de Hatib, et par rapport à ce qu'il a dit, qu'il a établi, il va rapporter maintenant ce qu'on appelle des nuqulat. Nuqul min kalami ahli al-ilm. D'accord? Et là, c'est page 183. Oileika nuqul min kalami ahli al-ilm tu'ayidu ma dakartuhu lak. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب بغض أعضاء الله كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك. On va parler un peu de c'est quoi قصة الإفك. Est-ce que j'ai entendu parler ça? قصة الإفك. Un autre mot que les ulama utilisent c'est حادثة الإفك. Hein, pour les frères qui sont à ma droite, comme j'ai dit, j'entends pas du tout cette oreille-là pour le moment, donc hein, parlez bien fort, quoi, d'accord, hein. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Hadithat al-Ifk? Non? Naam, qu'est-ce qui s'est passé? On va rapporter en détail, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Aïcha radiallahu anha, elle a été calomniée radiallahu anha, wa ardaha. On va d'ailleurs voir le mot Ifk. J'ai tweeté pour les frères qui ont vu ça hier. D'où il vient le mot ifk dans la langue arabe? D'accord? Hein? Les ulama disent Al-Kadibu Al-Azim Wal-Iftira'u Al-Mazid. Al-Kadibu Al-Azim, un grand mensonge. D'accord ? Et ça vient à la base du qalb, qalb al-haqa'iq. Que tu tournes les choses, yani que la chose qui est un mensonge, tu la fasses passer pour une réalité. C'est une calomnie, ça n'existe pas, ça n'a pas lieu d'être à la base. D'accord ? Car d'où le mot en arabe, le mot tafikat. D'accord ? Par rapport au surat le verset de surat al-Hijr, par rapport au verset de sur Qom Lot. فجعلنا عاليها سافلها. D'accord ? Par rapport au fait que leurs demeures, elles ont été quoi ? Complètement retournées. Ouais, retournées, cette façon de retourner. D'accord ? Revenez au tweet que j'ai tweeté, et peut-être qu'on parlera de ça plus en détail tout à l'heure. Tout la suite, c'est « Inna fi dhalika la ayati lil mutawassimin ». D'accord ? Dans surat al-Hijr. À la coulée. On traduit déjà ça, je vous propose. Alors, je termine d'abord ce passage, puis on traduira ça, et puis on parlera un peu plus de Hadith al-Ifk. Hein, et c'est important de savoir ça. D'accord ? D'accord ? Il y a certains ennemis de Sahaba, des ennemis des Dîn, qui ont même pris comme une raison de faire la fête. Hein, de refaire revivre ça, comme quoi, yani, ils disent que quoi que Aïcha radiallahu anha, elle a été coupable de ce dont elle est. Alors qu'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il l'a innocenté dans le Coran. Il y a des versets qui ont été révélés. C'est à cause du micro. Il faut demander qui change le micro. Allez, on continue à lire. فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. On va voir pourquoi elle a dit ça et on va voir le contexte, inshallah. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملت الحمية ولهذه الشبه سمى عمر حاطبا منافقا. On a déjà vu ça dans le cours précédent. فقال دعني رسول الله أدرب عنق هذا المنافق. فقال إنه شهد بدرا فكان عمر متأولا في تسميته منافقا لشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقلت لنقتلنه إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم منافق وإن كان قال ذلك لما رأى فيه نوع معاشرة مودة للمنافقين. انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. On va déjà traduire ce passage. Donc on est toujours, pour on situe le cadre, on est toujours dans l'explication du huitième annulatif. On est d'accord. Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, qu'elle préserve, il dit « Et voici pour toi des citations de paroles de gens de science qui appuient ce que je t'ai dit. » De l'importance de voir ce qu'on a dit avant. Si quelqu'un n'a pas assisté au cours ou il n'a pas lu les notes, il va avoir difficile à suivre le cours d'aujourd'hui. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il rapporte des paroles des grands savants de la communauté. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui vont appuyer ce que Cheikh Mohamed bin Bazmoul, il a dit. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit « Les branches de la foi peuvent concorder en cas de force et ne pas concorder en cas de faiblesse. Et donc, si ce qui se trouve dans le cœur se fortifie en termes de croyance et de connaissance et d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, cela rend obligatoire la haine envers les ennemis d'Allah. Comme Allah a dit, ce dont la traduction du sens est, s'il croyait en Allah, au prophète et à ce qui lui était descendu, il ne prendrait pas ses mécréants pour alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Surat al-Ma'idah, verset 81. Et il a dit, ce dont la traduction du sens est, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours et il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Surat al-Mujadila, verset 22. Et Cheikh, il dit, sur l'Islam, rahimahullah, il se peut qu'il arrive à un homme d'avoir une affection à leur égard, en raison d'un lien de parenté, ou pour un besoin, et que donc cela soit un péché par lequel sa foi diminue, mais il n'est pas mécréant en raison de cela. Comme cela est arrivé à Hat ibn Abi Balta, radiallahu anhu, lorsqu'il a écrit aux associateurs au sujet de certaines informations du prophète, alayhi salatu wasalam. On avait vu que le prophète, sallallahu alayhi wasalam, quand il voulait partir en expédition ou envoyer une expédition, eh bien, il faisait savoir qu'il allait partir à un certain endroit et il cachait le vrai endroit ou la vraie destination. D'accord ? On avait déjà vu ça. Et donc, Hatib, il était parmi le peu de sahaba qui savait en fait la vraie destination d'expédition, qui était quoi ? Mecca. Et donc, il en a informé, il a envoyé, il a écrit une lettre aux associateurs de la Mecque pour les prévenir qu'il a envoyé avec une femme. Ça, on a déjà vu, vous connaissez l'histoire maintenant. D'accord ? Et Allah révèle à son sujet, selon la traduction du sens est, et c'est quel verset ? Donc, vous savez, on a vu d'ailleurs qu'il a été rapporté dans Kitab Tafsir min Sahih al-Bukhari. Et pourquoi c'était rapporté dans Kitab Tafsir ? Eh ouais. Bah, c'est surat Mumtahina, le premier verset. On avait déjà dit ça. Que le sabab, pourquoi il a été sabab Nuzul Aya, c'est ça en fait. D'accord ? Par rapport au récit de Hatib ibn Abi Balta'a radhiyallahu anhu arda. Dont la traduction du sens est : ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Surat al-Mumtahina, verset 1. Et comme cela est arrivé à Sa'd ibn Ubada, lorsqu'il porta secours à Ibn Ubay. Ici, il y a plusieurs noms. Ben, si on ne sait pas les noms, il faut en parler. Il faut savoir de qui on parle ici. Lors de l'histoire de la calomnie, Hadithat al-Ifk, ou bien Qissat al-Ifk, on va en parler aussi, Inch'Allah. Lorsqu'il a dit à Sa'd ibn Mu'ad, encore un nom d'un compagnon, radiallahu anhu, Sa'd ibn Ubada, un autre compagnon, tandis qu'Abdullah ibn Ubay, c'est qui ? C'est la tête des hypocrites à Médine. Ça, on va voir ça, Inch'Allah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Donc je répète, lorsqu'il a dit à Sa'd ibn Mu'ad, on va reprendre ça point par point, Inch'Allah. Tu as menti par Allah, tu ne le tueras pas et tu n'es pas capable de le tuer. Aïcha dit, il était un homme vertueux avant cela, mais c'est l'esprit de clan qui l'a poussé. Alors maintenant, cher Islam Timia, il rapporte ça comme un exemple. Mais si on ne sait pas qu'est-ce qui a pris place, on ne sait pas comprendre l'exemple cité par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Alors maintenant, on va replacer le contexte, d'accord ? Sa'd ibn Ubada, compagnon, radiallahu anhu arda, Sayyidu al-Khazraj, le chef de la tribu de Khazraj, d'accord ? Sa'd ibn Mu'ad, compagnon, radiallahu anhu, Sayyidu al-Aus, chef de la tribu d'Al-Aus. Donc vous avez comment ici deux tribu, Al-Aws ou Al-Khazraj. C'est un nom très connu que le Mashiach cite souvent, d'accord ? Donc Al-Aws ou Al-Khazraj. C'est qui le Sayyid Al-Khazraj ? Sa'd ibn Ubada. Sayyid Al-Aws, Sa'd ibn Mu'adh. D'accord ? Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a des paroles qui ont été dites, d'accord ? Par rapport à un contexte. Donc, ici, on a dit, et comme cela est arrivé à Sa'd ibn Ubada. Sa'd ibn Ubada, on a dit que c'est Sayyid al-Khazraj. On est d'accord ou pas ? Radiallahu anhu arda. Lorsqu'il porta secours à Ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ra'as al-Munafiqin. On va voir pourquoi. Hein? Et ça ne veut pas dire qu'il était d'accord avec ce qu'a dit Abdullah ibn Ubay. Hein? Attention, comme les ulama ont dit. Lors de l'histoire de la calomnie, Hadith al-Ifk. Lorsqu'il a dit à Sa'd ibn Mu'ad, tu as menti par Allah, tu ne le tueras pas et tu n'es pas capable de le tuer. Aïcha dit alors, il était un homme vertueux avant cela, mais c'est l'esprit de clan qui l'a poussé à cela. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Je vous donne un résumé et je vais vous donner des sources, Inch'Allah, pour voir plus en détail. Moi, je ne vous fais qu'un résumé. D'accord ? C'est une histoire importante. Il y a beaucoup, beaucoup de fawa'id à tirer de cette histoire. Hein ? D'accord ? Et pour voir aussi le maqif d'Aïcha radhiyallahu anha, pour voir la vertu, la grande vertu de cette noble femme, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, il y a un site internet, Salafi, qui dépend du site Mirath, qui a été consacré uniquement à Aïcha et à la défense d'Aïcha radhiyallahu anha. Vous pouvez retrouver sur mirath.net, quand vous allez sur le côté, il y a un lien pour un site qui est consacré uniquement à la défense d'Aïcha radhiyallahu anha et à tout ce qui concerne Aïcha radhiyallahu anha. Il y a beaucoup de chouyours qui ont fait des doros et des khutab et des paroles et des écrits sur cette hadith al-ifk et sur Aïcha en général, radiallahu anha arda. On doit connaître c'est qui Aïcha. Aïcha Siddiqa, bint Siddiq, la véridique, la fille du véridique, la fille de qui? Abu Bakr, Siddiq radiallahu anha arda. Elle était Qurashiya, Taymiya. Hein? Regardez la noble lignée. Elle rencontre dans l'arbre généalogique, à un certain endroit, l'arbre généalogique du prophète, alayhi salatu wa salam. D'accord? Le prophète, alayhi salatu wa salam, il avait un grand amour pour Aïcha, radiallahu anha. Et il ne le cachait pas. Il le montrait. C'était connu qu'il avait un grand amour pour Aïcha, radiallahu anha. Et il est mort en étant satisfait d'elle, radiallahu anha. D'accord? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le récit de la calomnie. Hadithat al-ifk. Retenez le mot. Al-ifk. Dont a été victime Aïcha, Kalalagré, l'épouse du prophète, alayhi salatu wa salam. Et vous savez déjà peut-être la raison. Pourquoi est-ce qu'on calomnie Aïcha? Pourquoi est-ce que les hypocrites ont calomnie Aïcha? Pourquoi? Pour attaquer la personne du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est ça le but. D'accord? Donc je vous donne un résumé de l'histoire, mais c'est vraiment très résumé. Cheikh Al-Uthaymeen en a parlé, il y a beaucoup de sources sur internet, dans les livres, il est rapporté de l'histoire, il est rapporté dans le Bukhari, dans le Muslim d'ailleurs. Dans le Muslim, dans le Kitab al-Tawba. D'accord? Ça va, il est rapporté même en détail avec toutes les... C'est bon? C'est bon maintenant le son? Donc lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est important aussi pour que les sœurs, elles écoutent cette histoire sur... J'attends un peu. Allez, on va attendre pour les sœurs. De toute façon, elles auront les notes pour revoir, Inch'Allah, et elles auront l'audio pour revoir, Inch'Allah. Peut-être lui dire de changer le micro parce que l'autre il fonctionne mieux en général. Ouais, je vais lui dire. C'est celui-là en général. Normally we use this one. Yeah, normally we use this one. This one is better. Does this sound better now? I don't know for Juma for anything. Yes, we use this one. We use this one. No problem. TXM rather. TXM. This is different. Donc si juste les sœurs savent confirmer qu'elles ont du son. Donc je répète l'histoire de Hadithat al-Ifk. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait, il tirait au sort le nom de l'épouse qu'elle l'accompagnait. Ce qu'on appelle Qura'a en arabe. D'accord? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Que les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est quoi? Quand est-ce qu'il faut faire la Qura'a? Est-ce qu'il faut tout le temps faire la Qura'a ou pas, etc. Hein? On ne va pas rentrer là-dedans. Walakin, il tire au sort le nom de l'épouse qu'elle l'accompagnait. Et donc lors d'un voyage, quel voyage? Les ulama, ils ont dit que c'était... T'as eu un bonus là. Ghazwat Bani Mustaliq, retenez les noms. Elle a un autre nom. Si je me souviens bien, c'est le Mouraïsi, du nom d'un endroit, à la Koulhan. Ghazwat Bani al-Mustaliq. D'accord? Que lors de cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tira au sort le nom de Aïcha. Qu'elle est donc, elle allait l'accompagner durant ce voyage. Et lors du retour, ils s'arrêtèrent. Et la nuit, elle eut, radiallahu anha wa ardaha, un besoin. D'accord? Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donna l'ordre du départ. Alors, maintenant, on avait déjà donné un mot dans les cours précédents, on avait parlé d'un haoudaj. Vous savez c'est quoi un haoudaj, maintenant? Vous devez savoir. Hein? Une litière. D'accord? On ne va pas rentrer trop les détails. Est-ce que, comme les ulémas ont dit, est-ce peut-être qu'avant, parce que cette histoire-là, elle est arrivée après le verset qui a été révélé sur l'obligation du hijab. Alors, on va pas entrer, est-ce que les femmes avant, elles voyageaient sans litière, au-dessus des montures ou pas, etc. À la coulée, ce qui est important pour nous de savoir, c'est que Aïcha, radhiallahu anha, elle voyageait dans une litière, qu'elle était couverte. D'accord? Et qu'elle était légère. Et que donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre de partir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les porteurs, ils ont porté la litière, mais ils n'ont pas remarqué qu'elle n'était pas dedans. Parce qu'ils n'ont pas fait la différence au niveau du poids. D'accord? Certains des riwayats, ils montrent qu'en fait, qu'elle était revenue, mais elle avait perdu un collier qu'elle avait reçu, et donc elle était retournée le chercher. Et qu'elle s'est dit qu'en fait, il n'allait pas partir sans elle. Hein? On ne va pas entrer. Encore une fois, c'est intéressant si vous voulez aller voir les riwayats, et vous allez voir un peu ce que les ulama du hadith ont rapporté par rapport en détail par rapport à cette histoire et comment les ulama ont expliqué. Mais nous, on essaie juste de donner quoi? Un résumé pour vous, au moins que vous sachiez de quoi on parle ici. D'accord? D'ailleurs, il est rapporté, subhanallah, qu'une des fois où Cheikh Ben Baz il a pleuré le plus et de manière la plus forte, c'était qu'elle a raconté cette histoire. Rahimahullah ta'ala. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donna l'ordre du départ et la litière de Aïcha fut transportée en pensant qu'elle s'y trouvait. Car elle était petite, elle était légère, d'accord? Lorsqu'elle revint, elle ne les trouva pas à leur place. Mais regardez l'intelligence de Aïcha radhiallahu anha. Hein? En raison de son intelligence, elle resta à sa place, pensant qu'ils allaient remarquer son absence. Et que donc, ils allaient quoi? Revenir la chercher. Il est rapporté d'ailleurs qu'elle s'était endormie. Qu'elle s'était endormie. Et les ulama, ils ont fait la différence. Regardez les ulama comment ils vont loin dans le détail. Ils ont fait la différence entre le ram et le ham. Que le ram, c'est quand quelque chose est arrivé. Tandis que le ham, c'est que c'est avant que ça arrive. Que ce que tu détestes, ce que tu as peur, c'est avant que ça arrive. Et de ça, ça suscite en général l'insomnie. C'est le contraire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a dit le cheikh ici? Cheikh Al-Athim, c'est de tout ce que je vous prends ici, sauf les points que je rajoute d'autres ulama que j'ai pris, mais en général, le résumé, c'est Cheikh Al-Athim qu'on prend aujourd'hui. D'accord? Donc, lorsque le soleil se leva, un homme parmi les musulmans vint, du nom de, retenez ce nom-là, Safwan ibn al-Mu'attal. Safwan ibn al-Mu'attal, radiallahu anhu arda. Décrit comme un rajoul salih. Il était à l'arrière-garde. Radiallahu anhu arda. Et il est arrivé et il a vu une forme au sol. D'accord? Et ça, c'est par rapport aux textes que je vous rapporte aujourd'hui de Charles Al-Athimine, que j'ai mis dans le PDF, que je vous rapporte en plus. Il est rapporté, et Charles Al-Athimine va le dire plus tard, mais il dit qu'il ne lui a pas adressé la parole. Regardez le taqwa de Safwan ibn Mu'attal. Il n'a pas dit un mot à Aïcha radiallahu anha wa arda. La chose qu'il a dit quand il l'a vu, il a dit istarja. Vous savez c'est quoi l'istarja? On a déjà parlé dans le livre de fiqh qu'on a fait, c'est Fath Salah et d'autres. On a dit, c'est quoi? Le fait de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il n'a rien dit de plus que cela. D'accord? Et il est rapporté qu'il a reconnu Aïcha parce qu'il la connaissait avant le verset de l'hijab. D'accord? Regardez le respect de sahaba envers les épouses du prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui a pas adressé la parole. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Radhiallahu anhu arda. Et donc, Cheikh Al-Uthaymin donne des détails. Pourquoi est-ce qu'il était à l'arrière? Et Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, et comment il était Safwan ibn Mu'attal, de quel peuple il faisait partie? Cheikh Al-Uthaymin, il dit qu'il faisait partie d'un peuple qui, lorsqu'il dormait, ne se réveillait pas facilement. C'est ça que ça veut dire. Et qui donc, lorsqu'il dormait, dormait d'un sommeil profond. Et il ne lui était possible de se réveiller que lorsqu'Allah le faisait se réveiller comme s'il était mort. D'accord? Et donc il va chez Aïcha, chez Al-Athimine, il dit qu'il connaissait d'avant le verset sur l'obligation du hijab. D'accord? Et quand vous entendez les ulama, ils parlent d'ayat al-hijab, ben c'est le verset sur l'obligation de porter le hijab, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Et il fit braquer son chameau, c'est-à-dire que Safwan ibn Mu'attal, il n'a pas adressé la parole et directement il a fait descendre sa monture, son chameau. Pourquoi? Pour que Aïcha puisse y monter. Et il puisse la ramener à Médine. Mais il est rapporté que quand il y a Koudoua. C'est-à-dire qu'il l'a il a tiré de l'avant et il ne l'a regardé donc pas. Et il ne lui adressait pas la parole. Regardez le respect de Safwan radiallahu anhu arda pour Aïcha radiallahu anha. Et donc il dit, il cherche l'Athémine, il fit baraquer son chameau et ne l'adressa pas un seul mot, et cela par respect envers l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il conduit donc le chameau sans le regarder ni lui adresser la parole. Et donc ils arrivèrent lorsque le jour était levé. Qu'est-ce qui s'est passé quand les hypocrites ils ont vu cela? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah maintenant, on va saisir l'opportunité pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam via son épouse. Et donc les hypocrites se réjouirent de trouver une opportunité de critiquer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils se mirent à accuser cet homme vertueux. Et il faut savoir une chose, c'est que trois parmi les compagnons sont tombés dans cela. Les ulama ont tiré beaucoup, les ulama ont fait des khotab sur ce récit-là, parce que nous, en tant que croyants, beaucoup de fawaïd à tirer de cela. D'accord? Par rapport à la calomnie, comment se comporter quand il y a des calomnies, etc. Hein? D'accord? Et aussi, le mawqif, c'est magnifique quand vous analysez, quand on étudie le mawqif d'Aïcha radiallahu anhu ardaha, et on voit la valeur de cette femme radiallahu anhu ardaha. D'accord? Elle commence à toucher le prophète A.S. jusqu'à tel point qu'il a demandé à deux compagnons, si je me souviens, si Usama ibn Zayd et Ali radiallahu anhuma, il leur a demandé de conseil, qu'est-ce qu'ils devaient faire? D'accord? Et les ulama, qu'est-ce qu'ils ont tiré par rapport à tout ça, etc. Il y a trois compagnons qui tombèrent aussi dans cela, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, et retenez leur nom. Misbah ibn Athatha. C'est le fils de la tante maternelle de Abu Bakr. C'est-à-dire quoi, le cousin de Abu Bakr, As-Siddiq. Hassan ibn Thabit. Vous connaissez ses compagnons ou pas? Hein? Hassan ibn Thabit. Donc, le premier c'était Misbah ibn Athatha. Le deuxième, Hassan ibn Thabit. Et le troisième, c'était une femme qui s'appelle. Humnah bin Jahsh. C'est qui Humnah bin Jahsh? C'est la sœur de Zaynab bin Jahsh. C'est qui Zaynab bin Jahsh? Zaynab bin Jahsh, c'est qui? C'est une des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Ça, c'est parmi les compagnons. D'ailleurs, ces trois compagnons que je viens de citer, après, ils ont été flagellés sur ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais les hypocrites, on va le voir à la fin, Cheikh Al-Uthaymeen l'a dit, ils n'ont pas été flagellés. Et les ulémas, ils ont différents avis. Pourquoi les hypocrites, ils n'ont pas été flagellés? Eh bien, certains ulémas, ils ont dit parce que la flagellation, c'est une purification. Or, l'hypocrisie, la majeure, est rien qui purifie cela. Et plusieurs explications, etc. Encore une fois, on ne veut pas rentrer trop dans le détail, mais c'est juste pour vous donner un contexte et pour vous motiver à aller savoir plus sur ce récit-là. D'accord? Ce sera peut-être un sujet de cours intéressant. Et la tête des hypocrites était, retenez son nom, Abdullah ibn Ubay. Moi je vous donne le nom complet, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ça revient souvent quand on parle des hypocrites, ce nom-là il revient souvent. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. D'accord? L'hypocrite. Et Cheikh Al-Uthaymeen dit, cela dura un mois. Et ensuite Allah révéla les versets de Surat An-Nur qui innocente Aïcha de ce dont elle fut calomniée, radiallahu anha. Les compagnons qui étaient tombés dans cela, c'est Cheikh Al-Uthaymeen qui parle ici, furent flagellés de 80 coups de fouet sur ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tandis que les hypocrites ne furent pas fouettés. Pour plus de détails, voir, et je vous ai mis un lien. Attention, toute personne qui calomnie Aïcha radiallahu de cette calomnie, c'est un murtad, un dinillah kafir billah. Pourquoi? Parce qu'il a démenti le Coran. Or, le Coran, il l'a innocenté, radiallahu anhu arda. Attention. D'accord? Maintenant, on revient au nom que j'ai cité, Sa'd ibn Ubadah. Et Sa'd ibn Mu'ad, vous avez vu qu'il y a eu des paroles, on est d'accord ou pas? Pourquoi? Mais il faut savoir que Abdullah ibn Ubay, il était à la tête de cela, de cette calomnie, d'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été touché par ce qui a été dit. Il est monté sur le minbar, alayhi salatu wa sallam, et il a dit, qui va m'excuser dans le fait que, hein, que je, un taqim min foulan, que je me venge d'un tel, ou dans certains éléments, ils ont expliqué ça en disant, qui va me secourir, qui va m'assister par rapport à un tel? Parce qu'il a touché son honneur, alayhi salatu wa sallam. Sa'd ibn Mu'adh s'est levé. Vous avez vu le contexte, maintenant, pourquoi je vous rapporte tout ça? Et c'est Sayyid al-Aws. Et Sa'd ibn Mu'adh, il a dit, s'il fait partie de l'Aws, parce que c'est lui le chef, il a dit, je vais lui trancher la tête. Tandis que s'il fait partie de l'Khazraj, l'autre tribu, il faut savoir qu'avant l'islam, ils avaient des problèmes entre eux, entre ces deux tribus. D'accord? Eh bien, à ce moment-là, si tu te rends de toi, on va faire ce qu'il faut, etc. Mais Sa'd ibn Ubadah, c'est le chef de qui? Le Khazraj. Et c'est pour ça qu'il a dit cette parole-là, en fait. C'est pas en agrément ce qu'il a dit à Abdullah ibn Ubay. Attention, faut pas avoir de mauvais soupçons envers Sahaba, rajoulah, nous mardah. D'accord? Parce que Sa'd ibn Mu'ad, il a dit, لَنَقْتُلَنَّهُ, on va certes le tuer. Or, Sa'd ibn Ubadah, il lui a répondu, tu as menti par Allah, tu ne le tueras pas et tu n'es pas capable de le tuer. Pourquoi il a dit ça? Comme le cheikh il a dit, hein, les ulama ils ont dit, c'est quoi? En raison de ihtamalatu al-hamiyya, de l'asabiyya, l'esprit de clan qui l'a poussé à dire cela. D'accord? Par rapport au fait que Sa'd ibn Mu'adh est le chef de Al-Aws, c'est par rapport à ça qu'il a dit ça, c'est tout. C'est pas pour en agrément d'Abdullah ibn Ubay ou de ce qu'il a dit. Vous avez compris cette histoire maintenant ou pas? C'est juste pour situer ce contexte-là. D'accord? Maintenant, on revient à la parole du cheikh de l'islam, Taymiyyah. Il y a beaucoup, beaucoup de fawaïd à dire par rapport à cette histoire d'Aïcha. Beaucoup. Beaucoup. Comment elle a réagi, notamment quand les versets ont été révélés. Subhanallah. Il a rapporté dire qu'elle pleurait pendant plusieurs nuits. Elle ne dormait pas. Elle pleurait en raison de ce qui a été dit à son sujet. On continue à parler de l'islam tunisien. Il a dit, et c'est en raison de cette ambiguïté qu'Omar appela Hatib hypocrite. Il a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi trancher le cou de cet hypocrite. Il s'est rassemblé tout à l'heure, il fait certes partie de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Vous connaissez maintenant déjà cette histoire. Et donc Omar avait une interprétation, un ta'wil, dans le fait de l'appeler hypocrite, en raison de l'ambiguïté qu'il avait commise. Et de même au sujet de la parole de Usayd ibn Khudayr à Sa'd ibn Ubadah. C'est qui Usayd ibn Khudayr? C'est le fils de l'oncle paternel de Sa'd ibn Mu'adh. Par rapport à l'histoire qu'on vient de citer, Hadith al-Ifk. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le prophète Hassan est monté sur le minbar? Donc Usayd ibn Khudayr, c'est le cousin de qui? Sa'd ibn Ubadah ou Sa'd ibn Mu'adh? Je viens de dire le nom, c'est pour si vous suivez. Hein? C'est cousin de qui? Le fils de l'oncle paternel de Sa'd ibn Mu'adh, Sayyidul Aws. Et donc il a dit à qui évidemment? À l'autre qui est Sayyid al-Khazraj, qui est Sa'd ibn Ubadah. Il a dit par Allah, tu as menti, nous le tuerons certes, tu n'es qu'un hypocrite, tu défends les hypocrites. Est-ce que maintenant Usayd ibn Khudayr, il a voulu dire de Sa'd ibn Ubadah que c'est vraiment un hypocrite? Là, comme les ulémas ont expliqué dans le charh de ce hadith. Car, et d'ailleurs la parole des chers de l'islam de Taymiyyah, elle est claire ici, car cette parole est du même ressort. Et de même la parole de celui parmi les compagnons qui a dit au sujet de Malik ibn Darsham, hypocrite, qui a dit cela lorsqu'il a vu de lui un genre de fréquentation et d'affinité envers les hypocrites. D'accord? Fin des citations d'Ibn Taymiyyah, de Majmou' al-Fatawa, volume 7, page 522-523. Maintenant, on va prendre la citation d'un autre savant, parmi les savants du Najd, parmi la descendance de Cheikh Mohammed ibn Abdouhab, rahimahullah ta'ala. C'est Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdouhab, rahimahullah ta'ala. D'accord ? Si vous comptez avec moi, Abdurrahman, Abdul Latif ibn Abdurrahman. Donc c'est le fils d'Abdurrahman, d'accord ? Le petit-fils de Hassan. Et donc, l'arrière-petit-fils de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdouhab, rahimahullah ta'ala. Il a dit, قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد فإنه هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيله لكن حدث منه أنه كتب بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله ومالهم بمكة فنزل الوحي بخبره وكان قد أعطى الكتاب ضعينه وجعلته في شعرها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والزبير هنا في سيدة تخوزي منه سيكي المقداد بن الأسود في طلب الضعينة وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ سيؤول روضة خاخ هنا في دلوقتي précédent. C'est entre Médine et la Mecque, et c'est plus proche de Médine. حتى فكان ذلك وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له ما هذا فقال يا رسول الله إني لم أكفر بعد إيماني يعني اللفظ كما للصريح ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام إنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي فقال صلى الله عليه وسلم صدقاكم خلوا سبيله واستأذن عمر في قتله فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق قال وما يدريك أن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآيات فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله أو ووصفه به وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب والدال على إرادته مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودة وأن فعل ذلك قد ضل سواء السبيل لكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب إنما فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر لما قال خلوا سبيله. On va déjà traduire cette partie pour que ce soit pas trop long pour les francophones. Cheikh Abdul Latif ibn Abd al-Rahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abd al-Wahhab, car il fasse miséricorde, il a dit. Alors ici, je voudrais attirer votre attention sur cette citation. C'est important pour plusieurs raisons. Parce que, un, c'est un grand savant. D'accord ou pas? C'est un descendant du Cheikh d'Islam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah. Et c'est un des savants du Najd. Et cette parole, elle est rapportée dans Ad-Durar al-Samiyya, fil Ajubat al-Najdiyya. Volume 1. Et je vous ai dit que, évidemment, c'est un livre que l'ulama cite beaucoup, parce que c'est un livre de référence par rapport aux fatwas des ulama du Najd. D'accord? C'est une compilation de plusieurs volumes. Il y a des rasa'il de Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab et d'autres savants, etc. Mais, aussi, elle est utilisée, cette compilation, par les tekfiriyoun. D'accord? Qui cite ce genre de savants. Donc, l'importance pour un salafi, de connaître ses sources, de connaître ses citations, afin de pouvoir répondre aux choubouat des tekfiri. D'accord? Donc, Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdouhab, rahimahullah, il dit, et il médite le récit de Hatib, que vous connaissez maintenant assez bien. Hatib ibn Abi Balta'a est ce qu'il contient comme bénéfice, car il a émigré vers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a combattu dans son sentier. Mais il a émané de lui qu'il a écrit le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux associateurs de la Mecque, les informants de l'affaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de son expédition afin de les combattre. Et cela afin qu'il obtienne par cela une faveur auprès d'eux, qui est qu'il protège sa famille et ses biens se trouvant à la Mecque. Et donc la révélation descendit informant à son sujet, alors qu'il avait donné le message à une femme qu'il avait cachée dans ses cheveux. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Ali et Az-Zubayr afin de trouver la femme, et il les informa tous deux qu'il la trouverait à Rawdatu Khar. Et cela fut le cas. Il la menaça jusqu'à ce qu'elle sorte le message de ses tresses, c'est-à-dire de ses cheveux. Ils le ramenèrent, c'est-à-dire le message, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il, sallallahu alayhi wa sallam, appela donc Hatib ibn Abi Balta'a et lui dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, ô messager d'Allah, je n'ai pas mécru après ma foi, je n'ai pas fait cela désirant quitter l'islam, mais je n'ai voulu qu'avoir une faveur auprès de ce peuple par laquelle je protégerai ma famille et mes biens. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, il vous a certes dit vrai, laissez-le partir. Et Omar demanda l'autorisation de le tuer en disant, laisse-moi trancher le cou de cet hypocrite. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, il a participé à la bataille de Badr, et le sait-tu, Allah a certes regardé les gens de la bataille de Badr et a dit, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, dit le verset dont la traduction du sens est, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi le vôtre, jusqu'à la fin des versets de Surat al-Mumtahina qu'on a cité d'ailleurs. Et donc, Hatib entra dans le fait que cela s'adresse aux gens de foi. Pourquoi? Comment il commence le verset? Ya ayyuhalladina amanu. Et il fut décrit par cet attribut de foi. Et l'interdiction l'engloba par sa généralité, même s'il a la spécificité de la raison pour laquelle cela a été révélé. Quand il dit khusus sabab ici, il parle de khusus sabab nuzul. Qui indique sa volonté, alors qu'il y a dans le noble verset ce qui fait sentir que l'action de Hatib est un genre de mu'anat, le reprend l'amitié. Et que celui qui commet cela s'est égaré du droit chemin, mais sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, il vous a certes dit vrai, laissez-le partir, est apparente sur le fait qu'il n'a pas mécru en raison de cela. Car il croyait en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans douter, ni avoir de défiance, ni avoir de la défiance, mais qu'il n'a fait cela que pour un objectif, et ça c'est important le mot ici, gharadin dunyawi, un objectif de ce bas monde. Et s'il avait mécru, il, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'aurait pas dit, laissez-le partir. Et puis, Cheikh, il continue en disant, وَإِنْ لَا يُقَالُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُدْرِكَ لَعَلَّ اللَّهَ طَلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ هُوَ الْمَانِعُ مِنْ تَكْفِيرِهِ. Regardez le mot qu'a utilisé le Cheikh ici, Cheikh Abdel Latif. Le mot mani'. Donc, est-ce que, le Cheikh l'Islam, Mohamed Al-Nuhab, le ulama Oulajd, il savait ce que c'était mani'u at-takfir. لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنعه من لحاق الكفر وأحكامه من لحاق الكفر وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله ونجب على الثلاث من باسي لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا. وأما قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقوله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة والحب والنصرة والصداقة ودون ذلك مراتب متعددة ولكل ذنب حظه وقصه من الوعيد والذم. انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمهم الله جميعا. On va traduire le reste de cette parole. Voyez la précision des savants dans leurs paroles. Il dit, cet imam, cet grand savant, il dit, il ne doit pas être dit que sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à la bataille de Badr, et le sais-tu, Allah a certes regardé les gens de la bataille de Badr et a dit, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné, que cette parole est la barrière qui l'a empêché de le juger mécréant. Pourquoi? Car nous disons que s'il avait mécru, il ne resterait pas de ses bonnes actions, ce qui empêche de subir la mécréance. Vous comprenez ce qui s'est passé ici? Ceci prouve que ce n'est pas une mécréance majeure, ça, oh là là. Parce que si c'était une mécréance majeure, qu'est-ce qui se passe? Ce ne serait pas pardonné. Donc ici, il dit, il ne resterait pas de ses bonnes actions, ce qui empêche de subir la mécréance et ses jugements. car la mécréance annule ce qui l'a précédé. Et c'est en raison de la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action. Et c'est sur le Maïda verset 5. Et sa parole dans la traduction du sens est, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Surat Al-An'am verset 28. C'est un hadith qui prouve que le shirk al-akbar, le kufr al-akbar, ça fait quoi ça? Yuhbitani al-amal. Ils annulent toutes les actions. Le dernier verset de surat Al-An'am verset 88. Et la mécréance annule les bonnes actions et la foi. Et ce, à l'unanimité. Bil-ijma'a. Et que donc cela ne soit pas pensé. Quant à sa parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la tradition du sens est, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs, surat Maïda verset 51, et sa parole dans la tradition du sens est, tu n'en trouveras pas. Vous comprenez ici, il va citer des versets, et il va dire comment est-ce qu'il faut les comprendre en fait. D'accord? Regardez le verset comment il est traduit ici. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. L'autre verset, dans la traduction du sens est, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Surat Mujadil, verset 22. Et sa parole, encore un autre verset dans la traduction du sens est, ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécréants et craignez Allah si vous êtes croyants. Surat Maïda, verset 57, alors que l'autre avant c'était verset 51. Regardez comment le Sir explique cela. Il dit cela a été expliqué par la Sunna. Et elle a été. La Sunna, elle l'a conditionnée et restreinte à un moellet absolu et général. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre ces versets. Il faut faire attention parce que les tekfiris, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent certains versets et ils les mettent sur tous les cas, toutes les catégories de moellet. C'est compris ce qu'il essaie de faire comprendre ici le cheikh depuis le début de cette explication de cet annulatif. Il dit, et la base de la mu'alat est l'amour, et l'aide et l'amitié, il y a en dessous de cela, on revient au degré dont on a parlé dans les cours précédents, il y a en dessous de cela, douna dhalik, différents degrés, et chaque péché a sa portion et sa part de menace et de blâme. De menace et de blâme. Fin des citations de Cheikh Abdul Latif, non Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdulhab, rahimahumullah jami'an, dans Ad-Durar al-Saniya, fil Ajwibat al-Najdiya, volume 1, page 472-474. Encore une parole, on est presque arrivé à la fin des citations. وجاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح فإن ظل ظامن أن صفحه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما أعلمه الله من صدقه فقبل الشوب هذا المقدسي كيسكي لا فيدي المقدسي التكفيري أنا أبقت بلزيغ دي شوبات لي لصول رملة إبراهيم إلا فيدي ك نو مي cette histoire avec Hatib on peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que le prophète Zahmi l'a excusé que parce qu'il a reçu la révélation sur sa véracité et que nous, il n'y a personne qui peut connaître sa véracité, la véracité de quelqu'un parce que, après le prophète Assassin, parce que la révélation s'est arrêtée. Vous vous rappelez la réfutation de ça? Regardez la parole de ici qui va être citée, elle réfute exactement ce qu'il dit le Maqdisi. فإن ظل ظان أن صفحه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما علمه الله من صدقه ولا يجوز لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم ذلك فقد ظن خطأ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم وقد أخبر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابهم مقيمين معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم إذ كانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن وقد روي مثل ذلك عن الأئمة. Avec cela, la Shubha al-Maqdisi et d'autres comme lui, elle est réfutée. On traduit ça. Il était rapporté dans le Tawdih, Sharh al-Jami' al-Sahih. Si quelqu'un venait à penser que son pardon, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le pardon de de le prophète Hassan envers qui? Hatib. On avait dit qu'il a accepté son excuse, oui ou non? Non. N'était qu'en raison du fait qu'Allah lui a fait savoir sa véracité et qu'il n'ait permis à personne après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de savoir cela, il aura alors pensé ce qui est une erreur. Pourquoi? On a déjà réfuté cela en disant que nous, ce qui revient à la communauté, c'est de juger en fonction de ce qui est apparent. نحكم عن الظاهر ونكل سرائره من الله كما الذي شرح الإسلام محمد بن الإمام رحمه الله dans certains de ses livres. Car les jugements d'Allah au sujet de ses serviteurs n'ont lieu qu'en fonction de ce qui apparaît d'eux. Et Allah a informé son prophète, alayhi salatu wassalam, au sujet des hypocrites. Regarde, ça c'est notre réfutation qu'on avait citée. S'il veut utiliser ça, en sachant que on utilise cela parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a su sa véracité parce qu'il était il a reçu la révélation d'Allah, eh bien on va lui dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation d'Allah au sujet des hypocrites par rapport à ce qu'ils avaient dans leur fort intérieur, un par un, des individus spécifiques, ils savaient, alayhi wa sallam, et malgré ça, il n'a pas fait en fonction de cela, mais il a jugé en fonction de ce qui était apparent parce qu'il montrait l'islam en apparence. Ça, c'est aussi une réfutation. Je répète ça. Les jugements d'Allah au sujet de ses serviteurs n'ont lieu qu'en fonction de ce qui apparaît d'eux. Et Allah a informé son prophète, alayhi salatu wassalam, au sujet des hypocrites qui se trouvaient au milieu de leurs compagnons résidents et ayant pour croyance la mécréance. Et il les a fait connaître à son messager, alayhi salatu wassalam, un par un de manière spécifique. Puis il ne lui a pas permis de les tuer ni de les faire captifs, car ils montraient en apparence l'islam par leur langue. Dans la définition de munafiq en sharia, c'est quoi? Alladhi yudhirul islam wa yubtinul kufr. Il montre en apparence l'islam, mais dans son fort intérieur, il cache la mécréance. De même pour les jugements, regardez la suite, c'est importante ici. De même donc pour les jugements sur tout individu parmi les créatures d'Allah. Et c'est qu'ils soient jugés en fonction, vous pouvez terminer la phrase, de ce qui est apparent et pas de ce qui est intérieur ou caché, si vous voulez, d'accord. Et quelque chose de similaire a été rapporté des imams. Fin de citation. Et c'est volume 1, page 63 de la partie qui a été corrigée par Mohamed Ilyas Mohamed Anwar pour obtenir le degré de maîtrise du magistère à l'université de Umm Qura dans la section du Coran de la Sunna. Maintenant, il a rapporté une dernière phrase, il dit, et quelque chose de similaire a été rapporté des imams. Et bien, cher Mohamed Bazmoul, il va rapporter une parole d'un imam qui est l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il dit, wa min ha'ula ila a'imma rahimahumullah, l'imam Shafi'i, haythu qala ta'liqan ala hadith hatibin, fi hadha al-hadith ma'a ma wasafna laka, tarh al-hukm bi-isti'mal al-dhunun, li'annahu lamma kana al-kitab yahtamilu an yakuna ma qala hatibun kama qala min annahu lam yaf'alahu shakkan fi al-islam. وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين في عظمته لجميع الآدميين من بعده فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. Et parmi ces imams, qui a leur face miséricorde, il y a l'imam Shafi'i qui a dit en annotation du hadith de Hatib. Vous voyez l'importance de ce hadith, hein? Il y a dans ce hadith, avec ce que nous t'avons décrit, le délaissement du jugement en fonction des suppositions. Car, comme il était probable que le message soit comme l'a dit Hatib, qui avait dit qu'il n'avait pas fait cela par doute au sujet de l'islam, mais qu'il l'avait fait pour protéger sa famille. Et qu'il est probable que cela soit une erreur, mais pas un désir de quitter l'islam. Et qu'il est Probable que cela comporte le sens le plus mauvais. La parole fut alors sa parole à lui en ce qui concerne ce que comporte son action. Parole d'ailleurs qui a été jugée comment ? Véridique par le prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord ? Laqad sadaqa, comme vous vous souvenez. Il vous a certes dit vrai. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jugé à son sujet qu'il ne l'a pas tué. Il n'a pas utilisé son sujet, ce qui prédomine. Et personne n'a fait dans ce genre de choses plus important en termes d'apparence que cela. Car l'affaire du messager, regardez les chiures comme ils vont chercher là. Lui-même Shafi'i, il est en train de vous montrer ici qu'en fait, est-ce qu'il y a plus important que là l'affaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et Hatib est excusé par rapport à cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on va dire d'autres qui sont moins que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dont leur affaire est moindre que l'affaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Regardez le fahm des ulama. Et personne n'a fait dans ce genre de choses plus important en termes d'apparence que cela, car l'affaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se distingue par son importance de tous les fils d'Adam après lui. Et donc si celui qui a informé les associateurs d'une affaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait les surprendre, et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a cru et ne lui a pas reproché ce qui arrive le plus souvent parmi les choses qui prennent place dans le fort intérieur, et donc il a accepté cela de lui, ceux qui viennent après lui sont donc dans des situations moindres que la sienne et plus en droit que ce soit accepté d'eux, que soit accepté d'eux ce qui était accepté de lui. Et il fut dit, alors regardez encore une fois, il y a quelque chose qui va être dit à l'imam Shafi'i, ça vous rappelle les paroles de Maqdisi, c'est Tekfiri. وقال للشافعي أفرائز قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم ها؟ ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر لئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية وكل ما حكم به رسول صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة. regardez الأصول ici, أصول الفقه والأصول. Ici, il vous rapporte une règle qui vous fait dire que... Regardez comment tu réfutes un tekfiri comme ça. Tu lui dis, la base dans les jugements du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la généralité jusqu'à ce qu'une preuve prouve que c'est spécifique. Vous voyez l'usul, à quoi il sert. C'est ça qu'il est en train de dire ici. وَكُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَامٌ حَتَّى يَأْتِي عَنْهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ خَاصًّا وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُمْكِنُ فِيهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا لَهُ سُنَّةً وَيَكُونُ ذَلِكَ مَوْجُودًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. انتهى كلام الشافعي من كتاب الأم. الأم سا ليفر تري كوني دو الإمام الشافعي رحمه الله. Alors, qu'est-ce qu'il dit au l'Imam Shafi'i? Il fut dit à l'Imam Shafi'i رحمه الله, vois-tu si quelqu'un venait à dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a certes dit vrai, et que donc il ne l'a laissé qu'en raison du fait qu'il savait qu'il était véridique, car son action comportait soit la vérité, soit autre chose. Il lui serait alors répondu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a su que les hypocrites sont des menteurs. Vous comprenez ici ou pas? Si vous ne comprenez pas, il faut me le dire, hein, les frères. Ça ne sert à rien d'avancer si on ne comprend pas. Hatim, le prophète Azmi, il a su sa véracité ou pas? Comment il l'a su? Par révélation. On est d'accord. Le prophète, il a su le mensonge des hypocrites ou pas? Comment? Par révélation. On est d'accord ou pas? Hatib. C'est un délit qu'on doit juger les gens en fonction de ce qui est apparent. Qu'est-ce qui s'est passé avec le munafiqin? C'est un délit qu'on doit juger les gens en fonction de ce qui est apparent. Parce que si on devait juger en fonction de ce qui n'est pas apparent, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait tué les hypocrites parce qu'il savait, par révélation, qu'ils étaient des menteurs. Suivez ou pas? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a su que les hypocrites sont des menteurs et a préservé leur sang en raison de ce qui est apparent d'eux. Et donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait jugé au sujet de Hatib par le fait qu'il savait sa véracité, alors son jugement envers les hypocrites aurait été de les tuer en raison du fait qu'ils savaient leur mensonge. C'est pas un radqaoui ça. Hein? Tekfiri va se faire tout petit là. Mais, au contraire, il a jugé chacun des cas qu'en fonction de ce qui est apparent. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, a confié à Allah le Très-Haut ce qu'il y a dans leur fort intérieur, ce qu'ils cachent en eux-mêmes. Et ce, afin qu'un juge après lui ne délaisse pas un jugement à lui, comme cela a été décrit parmi les défauts des gens de la période pré-islamique. Et tout, écoutez cette phrase ici, elle est importante, et tout au sujet duquel le messager d'Allah a jugé, à valeur de généralité, jusqu'à ce que soit rapportée de lui la preuve qu'il a voulu par cela un jugement spécifique. Là, ils sont en train de réfuter la choubha qui vous dit, oui, mais akhi, ce jugement-là, il est spécifique à Hatib. Tu dis, toi, l'asl fil ahkam, fil ahkam al-sosem, l'umum, il a dalat dalil at-tarsis, fa'alik ad-dalil. J'attends. Mad dalil. Hein? Tu lui dis, la base, c'est la généralité, jusqu'à ce qu'une preuve la spécificité. Toi, la base, c'est la généralité, moi, je suis sur la base. Toi, tu dis que c'est spécifique, donne-moi le dalil de la spécificité. C'est lui qui doit ramener le dalil, c'est pas toi. Et tout au sujet duquel le messager de l'Assemblée a jugé à valeur de généralité jusqu'à ce que soit rapportée de lui la preuve qu'il a voulu par cela un jugement spécifique. Une preuve du prophète, l'Assemblée l'a dit, de lui, la preuve. Ou du groupe des musulmans au sujet desquels il n'est pas possible à leur sujet qu'ils ignorent une sunna du messager d'Allah. Ou que cela se trouve dans le livre d'Allah le Très-Haut. Très bien, une preuve. Parmi les preuves qu'il a citées ici, les genres de preuves qu'il a citées ici. Amen, une preuve sur la spécificité. Moi, je suis sur la base de la généralité. Fin de citation de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui est l'homme. Et d'ailleurs, l'imam Shafi'i, c'est un grand usuli, un grand faqih. Rahimahullah ta'ala. Sixième et dernière question de cette huitième annulatif, et je vous promets que dans le livre, on ne va pas aller loin. On va rapporter juste le matn et le premier point, et puis on va s'arrêter, Inch'Allah. La sixième question. Ah, j'ai beaucoup aimé ce point-là. Sur le Bazmou, le rapport dans un autre livre que j'ai dit, qui est le Mutashabi ou le Muhkam, fi Takfiri ou le Jihad, un gros volume, que sur les, tout ce qui est ambigu ou pas au niveau du Takfiri et du Jihad. Et regardez la précision des ulama. Rien qu'avec le matn, tu peux réfuter un Takfiri. La sixième question, al-su'al sadis. إذا كانت الموالاة على هذا التقسيم فلماذا أطلق الشيخ أن الناقد الثاني له الموالاة ولم يقيد كلامه سيان تكفيري يا شتوى التدي parce qu'on a fait une catégorisation de الموالاة ça ou là il te dit maintenant si الموالاة est selon cette catégorisation pourquoi alors le shir a cité de manière absolue le huitième annulatif comme étant الموالاة et n'a pas conditionné sa parole. Toi, tu vas lui répondre avec le matn. Tu vas lui dire que Cheikh l'Islam Mohammed Al-Hab, il n'a pas utilisé le mot walat, il a utilisé le mot mudahara. Ce qui prouve qu'il spécifie une catégorie parmi les catégories de mu'alat, qui est la catégorie qui fait sortir de l'islam. Elle est pas mal celle-là ou pas. Hein? On va détailler maintenant, Inch'Allah. La réponse, al-jawab. Cheikh l'a mutliq. كلامه في هذا الناقد بل قيده غير دون متن regardez Cheikh l'Islam Mohammed Al-Wahhab c'est un savant ou pas c'est un imam subhanallah al-adim vous pensez pas que quand il utilise des termes c'est ce qu'il dit bien sûr et qu'il est très précis dans sa terminologie il utilise le mot mudahara alors c'est pas pour n'importe quoi c'est pas pour hein, c'est pas sans raison regardez rien que par le matn il fait taqyid ici fait taqyid dans le kalam. Regardez ce qu'il dit. بل قيده وهذا النص عبارتي رحمه الله الثامن أي الثامن من أواخر الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى on a dit quoi répétez la phrase il a dit موالاة المشركين il a dit quoi مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين d'ailleurs le Cheikh plus loin il va dire quoi il va dire regardez le verset par موالاة. Or, il aurait été plus opportun pour Cheikh Al-Islam Mohamed Al-Wahhab d'utiliser le mot mu'alat, mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé un autre mot, il l'a remplacé par mudahara pour montrer qu'il y a une condition. Hein? انتهى كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فانظر إلى عباراته فقد قال مدارة المشركين ومعاونة على المسلمين ثم استدل بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فاستعمل كلمة مظاهرة ولم يستعمل كلمة موالاة مع أن المناسب للآية التي استدل بها استعمال كلمة موالاة فعدوله رحمه الله عن استعمال كلمة موالاة إلى كلمة مظاهرة للدلالة على أنه لا يقصد أي موالاة إنما يقصد الموالاة التي يكون فيها من يدعي الإسلام ظهيرا للكفار ونصيرا لهم يقوم مقامهم إذا غابوا ويعمل عملهم حتى في قتل المسلمين ويعاونهم على ذلك حتى يكون مثلهم فعبارة المصنف رحمه الله مقيدة بدلالة كلمة مظاهرة بدلا من موالاة الله أكبر الشيخ محمد بزمول سان سافون لا فوكوتي ان بو سا سيونس حفظه الله تعالى فالناقد الثاني عنده هو المظاهرة التي هي القسم الأول من أقسام الموالاة والتي يخرج من فعلها من الملة وليس مراد الشيخ مطلق الموالاة والله سبحانه وتعالى يقول وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا في الموثي ظهيرا للمشرك للكافرين قال البغوي رحمه الله فلا تكونن ظهيرا للكافرين أي معينا لهم على دينهم قال مقاتل وذلك حين دعي إلى دين آبائه فذكر الله نعمه ونهاه عن مظاهراتهم يضل الموسي عن مظاهراتهم على ما هم عليه انتهى كلام البغوي من تفسيره Je répète la question et la réponse, ça va? Comme ça vous avez tout en français, Inch'Allah. Vous suivez ou pas? On est à la fin, les frères, accrochez-vous. La semaine passée, moi, Inch'Allah, vous avez tenu presque deux heures. Donc là on a 1h06. Donc j'ai encore 50 minutes de marge, mais on va pas faire 50 minutes, monsieur, pour vous motiver. Hein? C'est pour ça qu'on est un peu moins aujourd'hui ou pas? Hein? Sixième question. Si Al-Mu'alat est selon cette catégorisation, pourquoi alors le Cheikh a cité de manière absolue le huitième annulatif comme étant Al-Mu'alat et n'a pas conditionné sa parole? La réponse. Le Cheikh n'a pas dit sa parole de manière absolue au sujet de cet annulatif. Mais au contraire, il l'a conditionné. Et voici la formulation de sa parole qu'Allah lui fasse miséricorde. Le huitième, c'est-à-dire le huitième parmi les annulatifs de l'islam. Ça, c'est la parole du Cheikh de l'islam. Dans son matn, si quelqu'un a le matn, le livre, hein, vous ouvrez, le matn, il est clair. D'accord? Le huitième. Soutenir, on va traduire ça par soutenir. Mudahara. Soutenir les associateurs et les aider contre les musulmans. Et la preuve de cela est la parole d'Allah de l'introduction du sens est, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Sur le Maïda, verset 51. Cheikh Bazmoul, il dit, regarde donc sa formulation. Il a dit, rahimahullah, sur l'islam Mohammed ibn Abdullah, rahimahullah ta'ala, soutenir les associateurs. Il utilise le mot mudahara, pas mu'alat. Mudaharatul mushrikin. Et les aider contre les musulmans. Soutenir les associateurs et les aider contre les musulmans. Puis il a cité comme preuve de cela la parole d'Allah dans la traduction du sens est, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ الْمُوَالَةِ Et donc il a utilisé le mot مُظَهَرَة et n'a pas utilisé le mot مُوَالَة alors que ce qui est important d'utiliser pour le verset qu'il a utilisé comme preuve c'est l'utilisation du mot مُوَالَة et donc le fait qu'il ait renoncé qu'Allah lui fasse miséricorde d'utiliser le mot مُوَالَة pour utiliser le mot مُظَهَرَة est afin d'indiquer qu'il ne veut pas dire n'importe quel genre de مُوَالَة mais qu'il n'avait pour intention qu'elle mouala dans laquelle celui qui prétend l'islam est un soutien et un défenseur des mécréants qui prend leur place lorsqu'ils sont absents et un défenseur des mécréants et fait leurs actions même en ce qui concerne le fait de tuer les musulmans et collabore avec eux à ce sujet jusqu'à ce qu'ils soient identiques à eux. Mithlahum. Vous savez que le mot en arabe, mithla, hein, ça c'est une faïda dans l'aura, c'est qu'il est identique dans tous ses aspects. D'accord? C'est pas comme l'autre mot qui est quoi? Hein? J'entends pas très bien, donc t'es un peu plus fort? Non. Non. Hein? Le fait de yushbihu shay. Yushbihu shay, c'est fi ba'di sifatihi. C'est-à-dire que le mumatala, c'est dans le mushabaha le mumatala, en fait. Le mumatala, c'est fi kulli, min kulli wujuh. Ça, c'est juste un point dans la langue arabe ici. Hein. Et donc, la formulation de l'auteur est conditionnée par l'indication du mot. Ça n'a rien à voir avec ce que le cheikh a dit ici, hein, mais c'est juste pour vous donner une faïda dans l'aura. Et donc, la formulation de l'auteur est conditionnée par l'indication du mot mudahara. Je répète cette phrase importante ici. Et donc, la formulation de l'auteur est conditionnée par l'indication du mot, ou le sens du mot, si vous voulez, mudahara, à la place de le mu'alat. Donc, si un tekfir vient te donner cette choubha, tu lui dis que non. Il y a les catégorisations, c'est toutes les preuves qu'on a citées, et même dans le matn, la simple utilisation de la terminologie mudahara est un conditionnement, est une fait de mettre des conditions de restriction. Parce que et cela est indiqué par le sens du mot mudahara, qui indique l'une des catégories de mu'alam qui fait sortir de l'islam. Ou la catégorie de mu'alam qui fait sortir de l'islam. Vous suivez ou pas? Vous avez compris ce point-là ou pas? Si vous n'avez pas compris, il faut le dire, hein. Et donc la formulation de l'auteur est conditionnée par le sens même du mot mudahara à la place de l'mu'alat. Et donc le huitième annulatif est pour lui al-mudahara, qui est la première catégorie parmi les catégories. Donc si vous voulez que je vous résume pour être plus facile pour vous dans votre tête, mu'alat, il y a plusieurs catégories, on a déjà dit ça. Il y en a une qui fait sortir de l'islam, d'accord? Et c'est pour ça que il n'a pas utilisé le mot mu'alat, parce que le mot mu'alat, il y a plusieurs catégories, mais il utilise le mot mudahara qui indique cette première catégorie qui fait sortir de l'islam. Première catégorie, le mu'alat, je veux dire. Et donc, le huitième annulatif est pour lui al-mudahara, qui est la première parmi les catégories, parmi les catégories d'al-mu'alat, et au sujet de laquelle celui qui la commet sort de la religion, et le sens voulu par le shir n'est pas le mu'alat dans l'absolu. C'est-à-dire, tous les mots genres de mu'alat, comme certains tekfiris essaient de faire croire. Et alors le trio dit, selon ce dont la traduction du sens est, tu n'espérais nullement que le livre te serait révélé, ceci n'a été que par une miséricorde de ton Seigneur, ne soit donc jamais un « vahir lil kafirin », un soutien pour les infidèles. Surat al-Qasas, verset 86. Al-Barawi, parmi les grands savants du tefsir, rahimahullah, il a dit « ne soit donc jamais un soutien pour les infidèles, c'est-à-dire un aide pour eux quant à leur religion. » On ne revient pas à tefsir le mu'alat qui fait sortir de l'islam. Muqat, il a dit « et cela lorsqu'il fut appelé à la religion de ses aïeux, et donc Allah cita ses bienfaits, et lui interdit de les soutenir dans ce sur lequel ils sont. » Fin de citation de l'Imam Barawi rahimahullah dans son tafsir, volume 6, page 227. On rentre dans le 9e annulatif, on commence et puis on s'arrêtera pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Je pense, Allahu alam, peut-être, probablement deux cours, très probablement trois cours, inshallah, on a fini le livre. Ça dépend du cours prochain, est-ce qu'on fait un cours de 2 heures ou 3 heures? Non. Hein? Ça dépend en fait de comment ça va se passer le prochain cours pour terminer le 9e. Parce que je sais pas, on risque de terminer le 9e en un ou deux cours. Ça sert à rien de se précipiter non plus. Je pense que le 10e, on peut le faire en un cours, Inch'Allah. Donc 2 ou 3 cours, on a fini le livre, Inch'Allah ta'ala. Je vous recommande encore une fois de mémoriser le matin si vous ne l'avez pas encore fait. Alhamdulillah, même l'ahli m'ont dit que la famille m'ont dit qu'il y a certaines sœurs qui l'ont mémorisé. Alhamdulillah. Hein? Ah, je vous dis ça pour... Hein? Enfin, et où ouais, les frères? Les sœurs ne mémorisez pas. Hein? النقد التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Quel est ce neuvième annulatif? Quiconque croit que certaines gens peuvent sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, sur l'islam, Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, le neuvième. Quiconque croit que certaines gens peuvent sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Khadir a pu sortir de la législation de Moussa alayhi salam, est alors un mécréant, et ce en raison de la parole d'Allah dont la traduction du sens est: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate Ali Imran, verset 85. D'ailleurs, on va voir, Inch'Allah, un peu, pas en détail, mais on va voir un minimum de détails, l'histoire de Khadir et de Moussa, Inch'Allah. On va voir qu'il y a un hadith, en fait, qui reproduit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte l'histoire de Moussa avec le Khadir, qui va d'ailleurs avec les versets comptés révélés à ce sujet. D'accord ? Mais ça ne sera pas aujourd'hui. Donc, voici l'explication maintenant de cet annulatif par Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, qu'elle a le présent. يدخل في كلام المصنف رحمه الله الأمور التالية. الأمر الأول, on va s'arrêter à ça inshallah, وجوب اعتقاد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة, فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث لأناس دون أناس أو لأمة دون أمة, فليس هو صلى الله عليه وسلم رسول العرب خاصة, ومن يعتقد خلاف هذا فقد كفر, لأنه خلاف ما أخبر الله تعالى من أنه أرسله للناس كافة, وأن رسالته صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه على كل أحد, وأنه ينبغي على كل إنسان أن يكون مسلما. قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلابد أن يعلم وجوب اتباع رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه عليه الصلاة والسلام المبعوث للناس كافة. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة سبأ. وقال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سورة الأعراف. ولا يسع أحد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته إلا الإيمان به, ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده ليسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, إيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبقى سلا ونغفني بغضي إن شاء الله. Les points suivants entrent dans la parole de l'auteur sur cette neuvième annulatif. Le premier point, l'obligation de croire en l'universalité de son message sallallahu alayhi wa sallam à tous les gens. Et donc il n'est permis à personne de croire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à des gens et pas à d'autres, ou à une communauté et pas à d'autres. Et donc il sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le messager des Arabes de manière spécifique. Et quiconque, il y en a qui disent ça, ouais, c'est le messager des Arabes. Ou le prophète des Arabes. Non, c'est faux de croire ça. Et donc, alayhi salatu wa sallam, n'est pas le messager des Arabes de manière spécifique. Et quiconque croit ce qui oppose cela aura mécru, car cela s'oppose à ce qu'Allah, le Très-Haut, a informé qu'il l'a envoyé à tous les gens. Et qu'il est obligatoire à tous de suivre son message, alayhi salatu wa sallam, et qu'il est obligatoire à toute personne d'être musulmane. Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate Ali Imran, verset 85. Il est donc obligatoire de connaître l'obligation de suivre le message du messager sallallahu alayhi wa sallam, car il est celui qui a été envoyé à tous les gens. Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est: et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonçateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Saba, verset 28. Et Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est: dis ô homme, avec un grand H, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Sourate Al-A'raf, verset 158. Et il n'est permis à quiconque, ayant entendu au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il est vraiment, à la haqiqati, comme il est vraiment, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est permis que de croire en lui, et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, comme cela a été rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agré, et c'est un hadith qui est rapporté dans l'Authentique de Muslim, dans le Kitab Iman, regardez le titre du chapitre, chapitre de l'obligation de quoi? Bi wujubi il i, hein? Vas-y, dis-le en arabe. Al imanu bi rasulillah. Bab wujub, chapitre de l'obligation, et puis de la foi en le message et ouais, de notre prophète Mohammed, il a dit Nabiyyina Mohammed, de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wa sallam. Le hadith d'Abu Huraira, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah, n'entendra à mon sujet un juif ou un chrétien de cette communauté puis il meurt sans avoir cru. En ce avec quoi j'étais envoyé, sans qu'il ne soit parmi les gens de l'enfer. D'accord ? Et avec cela, on va terminer pour aujourd'hui, inshallah, wallahu a'lam, wa subhanaka rabbika wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.